Chapitre 37e. Il lui relata son enfance en Amérique, rejetée par Robert, puis finalement son retour en France après ses études. Mais c'est affreux! Comme tu as dû souffrir! Tu étais si jeune, tu n'as sûrement rien compris à ce qui t'arrivait. Jamais je n'aurais pensé que Robert puisse agir ainsi. Ce n'est pas vraiment sa faute, il était jeune et follement amoureux de notre mère, il faut le comprendre. Bien sûr, je n'étais qu'un enfant à l'époque et je crois bien que je l'ai haï. Mais en grandissant et en connaissant l'histoire, j'ai pardonné. Je crois que j'aurais pu faire la même chose. Un silence s'installa dans la voiture. Le jeune homme se concentra sur sa conduite et Marina se perdit dans ses pensées. Au bout d'un long moment, elle reprit. Tu m'as bien dit qu'il n'avait pas eu de chance avec les femmes. Quelle a été la suite? Bien des années plus tard, il est retombé amoureux d'une femme mariée. Tiens. J'y pense, cela a certaines similitudes avec son propre fils. C'est étrange, tu ne trouves pas? Jérémy, continue. Ok, il l'aimait, elle a divorcé, ils se sont mariés. Elle a été enceinte d'abord de Lisbeth, puis de Mike. Mon père, à l'époque, travaillait encore plus que maintenant. Ils se sont éloignés l'un de l'autre et elle a fini par demander le divorce. Pauvre Robert, il n'a vraiment pas eu de chance, tu as raison. Mais cela fait des années. Pourquoi à présent ne refait-il pas sa vie? C'est encore un bel homme pour son âge. D'ailleurs, il n'est pas si vieux. Tu as raison. N'empêche, il a quand même 58 ans. Enfin, j'espère bien lui ressembler un jour si j'arrive à son âge. Oh, je ne vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas. Et puis tu finiras par te marier, avoir des enfants. Le jeune homme freina brusquement, provoquant un concert de klaxons. Il regarda Marina et dit simplement. Non. Non quoi? Je ne me marierai jamais, c'est tout. Mais que racontes-tu? C'est insensé, tu es encore en âge de convoler. Pourquoi ne le ferais-tu pas? Marina, arrête, je t'en prie, je ne le ferai pas, c'est tout. J'aimerais vraiment en connaître la raison. Tu ne vas pas me dire que cela t'intéresse. Et pourquoi pas? Le jeune homme soupira longuement, se retourna vers elle et dit, si je te le dis, tu me promets de ne faire aucun commentaire? Aucun, tu entends? D'accord, mais je suis vraiment curieuse de savoir pourquoi. Parce que je t'aime, Marina, et que jamais je ne pourrais aimer quelqu'un d'autre aussi fort. Il serait inutile de faire endurer cela à une autre personne. Je souffre assez pour deux. À présent, j'aimerais que l'on change de sujet. De toute façon, nous sommes pratiquement arrivés. Marina resta muette après la confession du jeune homme. Était-il possible que pour lui cela ne soit pas qu'une simple passade, comme elle l'avait pensé de prime abord, mais réellement de l'amour et aussi profond que celui que Jay lui prodiguait? Bon sang, il faudrait en ce cas à l'avenir l'éviter le plus possible pour l'empêcher de souffrir, se dit-elle. Ne me chasse pas de ta vie, Marina. Je préfère subir cette souffrance en te voyant, même en te voyant dans les bras de mon frère. Je ne le supporterai pas. Par contre, si je devais m'éloigner, je ne ferai jamais rien pour vous nuire, mais je ne veux pas que tu m'évites. J'ai du mal à comprendre, mais si tu le désires ainsi, alors ne changeons rien. Sitôt arrivée, Marina se précipita vers Jason qui l'attendait avec impatience. Je suis si heureux que tu sois ici. Quand mon père m'a dit que tu avais accepté de venir vivre auprès de moi, j'étais fou de joie. Ils s'embrassèrent longuement et aucun des membres de la famille ne les revit jusqu'au lendemain matin. Lorsque Jason s'éveilla, il sentit le corps chaud et sensuel de la jeune femme contre lui. Doucement, il lui murmura à l'oreille. C'est si bon de t'avoir près de moi au réveil. Je t'aime, mon âme, tu es la lumière de ma vie. La jeune femme ouvrit lentement les paupières et se noya dans le regard de son amant. Ne bouge surtout pas, Honey, je vais te préparer un petit déjeuner digne d'une reine. Attends, j'aimerais que tu me répètes ce que tu m'as dit à l'oreille. Je n'ai pas bien entendu, dit-elle en souriant. Vraiment, serait-il possible que tu sois subitement devenue dure d'oreille? Très bien, dans ce cas, je vais faire un effort. Un effort? Tu vas faire un effort. Oh, toi, je sens que tu vas me servir de petit déjeuner. C'est une excellente idée, ma foi. Je sens que j'ai soudain une faim de loup. Ils se chamaillèrent un bon moment, puis les caresses eurent raison de leur rire. Plusieurs heures plus tard, ils s'assemblaient devant un vrai petit déjeuner. Jason était songeur. Que se passe-t-il, mon amour? Je te sens si lointain par moments. À vrai dire, je suis inquiet. Inquiet pour toi, René. Pour quelle raison? Dans quelques jours, je vais me faire opérer et... Oh, je t'en prie, Dieu, ne recommence pas, par pitié. Tu voulais savoir. Bien sûr, mais je ne veux pas que tu te mettes de telles idées en tête juste au moment où tu dois être au mieux pour que cette fichue intervention ait toutes les chances de réussir. Tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Tu as sûrement raison, et pourtant, cela revient quand même. Si jamais... Non, je refuse. Tout va très bien se passer. Il faut y croire autant que nous croyons en notre amour. Tu veux bien essayer? D'accord, mais il faut quand même que je te parle. Cela me fera du bien, si je connais ta réponse, et pourtant, en ce cas, je vais t'écouter une dernière fois, mais je sais ce que tu vas encore me dire. Je ne crois pas, non? C'est drôle, tu réussis toujours à m'étonner. Je voulais juste te demander une promesse. Je crains le pire. Je ne plaisante plus, darling. Je ne t'ai rien demandé, mais là, j'insiste. Tu me fais peur, Jay. Connaîtrais-tu quelque chose de sur ton état que je ne sache déjà? M'aurais-tu caché? Non, rien de tout cela, ne t'inquiète pas. Je veux seulement que tu me fasses la promesse de ne pas attenter à ta vie par quelque manière que ce soit si je ne survivais pas à cette intervention. Jay, je ne peux pas te promettre ça. Je ne pourrai jamais. Fais-le, mon âme. Je veux pouvoir partir pour cette clinique l'esprit tranquille. Je ne veux pas que tu t'arrêtes de vivre pour moi, il ne le faut pas. Il y a des tas de gens qui aimaient, qui auraient trop de mal, et je serai le premier. Je t'en supplie, Jay, je ne veux pas, je ne peux pas te promettre cela. Demande-moi tout ce que tu voudras, mais pas cela. J'ai eu trop mal lorsque j'ai cru que tu étais mort. La vie sans toi, ce n'est pas la vie, c'est l'enfer, et je ne veux plus jamais connaître ça. Tu sais, mon amour, qu'avec le temps, la douleur finit par s'estomper. Non, c'est faux. Avec le temps, la douleur est au contraire plus vive. Ne plus jamais te voir, te toucher, t'embrasser, équivaut pour moi à une torture sans fin. Je ne pourrai jamais le supporter. Il se rapprocha de la jeune femme, la prit doucement dans ses bras, la serrant si fort contre lui qu'ils ne formèrent plus qu'un seul corps et une seule âme. Il l'éloigna enfin et essuya les larmes qui coulaient de ses yeux, sans s'apercevoir que lui aussi pleurait. Marina reprit. Je ne veux plus jamais aborder ce sujet, Jay. Je suis sûre que tu sortiras vivant de cette intervention, et il y en aura d'autres après celle du rein, n'est-ce pas? J'en ai bien peur. Mon foie est dans un sale état et c'est un organe qui inquiète de plus les médecins. Après tout, on peut vivre avec un seul rein, mais pas sans foie. Mais il est possible de procéder à une greffe. Bien sûr, encore faut-il trouver un donneur et un donneur compatible. Ils le recherchent activement depuis l'accident, mais jusqu'à présent. Et dans ta famille? J'ai refusé que mon père ou mes frères soient donneurs. Vois-tu, après la greffe partielle du foie, ils seraient exposés à de terribles dangers. Un virus ou autre mettrait leur vie en péril. Et eux, qu'en pensent-ils? Ils n'ont pas leur mot à dire. Je suis le seul à décider. Prélever un foie en bon état sur quelqu'un de décédé dans un accident, d'accord. Mais sur quelqu'un de vivant et l'exposer à un danger, il n'en est pas question. Même si c'est la dernière solution pour que tu restes en vie. Pas à ce prix-là, je refuse et c'est définitif. Je comprends ce que tu ressens et je ferai probablement la même chose à ta place. Ce sera un donneur anonyme alors. Oui, si nous avons la chance d'en trouver un. Il y a au moins de moins en moins de dons d'organes. C'est dommage, cela sauverait la vie de beaucoup de gens. J'ai d'ailleurs, quelle ironie, fait tous les tests nécessaires et après ma mort, ils pourront prélever tous les organes en bon état qui leur seront utiles. Je ferai la même chose. Jamais auparavant je n'avais soulevé la question. C'est étrange comme il faut être dans pareille situation pour comprendre. La jeune femme se réfugia à nouveau dans les bras de son amant. Il ne restait que 4 jours avant l'intervention et elle était folle d'angoisse. Bien sûr, il ne fallait rien laisser paraître, au contraire, c'était une autre dure épreuve à franchir. Lorsque Jason fut admis à la clinique, il germa une idée dans la tête de Marina. Il fallait d'abord en discuter avec Robert et Jérémy. Mais déjà, elle avait pris une décision, et rien, ni personne, ne pourrait la faire changer d'avis. Vous voulez faire quoi? Demanda Robert, interloqué. Tu es folle, s'exclama Jérémy en même temps. Oh non, je suis parfaitement consciente du danger encouru et je veux le faire. D'ailleurs, il faut faire des tests avant. C'est pourquoi je vous demande encore une fois de m'épauler, Robert. Que dois-je faire? Attends, s'écria Jérémy, ne l'écoute pas, c'est insensé. Tu imagines le risque qu'elle prend? Et que dira Jason quand il l'apprendra? Jason n'en saura rien, répliqua Marina. Je serai un donneur anonyme, à moins que tu ne le mettes au courant, Jérémy. Oh, ça, aucune chance. Je n'ai pas envie de me faire écharper. Et tu parles de risque? N'as-tu pas, comme ton père, voulu faire cette greffe? Oui, mais nous sommes de la même famille, c'est en quelque sorte un devoir. Absurde. De plus, je te ferai remarquer, Jérémy, que je considère Jason comme mon mari désormais. Il faudra te faire à cette idée, même si je ne suis pas encore divorcée. Loin de là. Jérémy, assez, fit Robert en fronçant les sourcils. Cette remarque est déplacée, et j'exige que tu fasses des excuses immédiatement. Pardon, cela a dépassé ma pensée, mais tout de même, tu n'imagines pas à quel danger elle s'expose. Si tu étais dans ma situation, Jérémy, que ferais-tu? Lui lança Marina. Après un bref instant de réflexion, Jérémy reprit la parole. Je ferai la même chose. Jérémy, ne te sens pas coupable. Tu l'as déjà tellement aidé. Laisse-moi faire ma part. Tu lui as donné la confiance et l'amour d'un frère, d'un ami. Et ça, crois-moi, pour Jay, cela a plus d'importance que n'importe quoi d'autre. Je trouve que cela n'est vraiment pas énorme par rapport à ce que toi, tu vas lui donner. Ça a plus d'importance que tu ne l'imagines. Il serait malséant de vouloir rivaliser. Ce n'est pas un jeu où l'un de nous sort vainqueur. Comme tu l'as dit, tu es son double. Tu ressens les mêmes choses que lui. En effet, les mêmes choses, les mêmes sensations, les mêmes sentiments. Ne sois pas amer, mon fils. Marina a raison. Tu as aidé ton frère, l'a soigné, l'a lavé, l'a fait manger, mieux que je ne l'aurais su faire. Il sait combien tu l'aimes. Alors si tu veux l'aider encore, il faut que tu sois fort et que tu lui montres. Nous ne pouvons rien faire, et si Marina, elle veut lui donner un peu de sa vie, alors je l'accepte comme un don. Je ferai tout pour les rendre les plus heureux possible. Décidément, aujourd'hui, je ne suis bon à rien. Je vais aller le voir à la clinique. Il l'opère dans 1 heure. J'aimerais le voir avant. Marina, je viens avec toi, bien sûr. Et j'en profiterai aussitôt après pour faire ces tests de compatibilité. Au moins, plus vite nous serons, et plus mieux cela vaudra.